Wouh, wouh. Vide, vrai, les boycottés. Allo, S, Gringos. Comme une lame de hippie, je tombe toujours à pic. Comme une lame de hippie, je tombe toujours à pic. This is SM, SM. Comme une liasse de yébi, je tombe toujours à pic. Si sort le calibre, ça devient catastrophique. Cache ta conce vite, si ça castagne un flip. Pour les frères en condi, on veut du cash et du fric. Des kilos de shit qui t'a cassé la vie. Tu auras pas d'amour, je veux juste me vider la vie. Montre si je suis fidèle à ma vie. Boycotté, pas sûr qu'elle percera ma team. Tu suceras fort pour voir ta voix sur verbatim. J'suis pas un PD du style Ricky Martin. Y'a que le mal qui m'attire, pas les mathématiques. Je t'ai mal, t'es ma bitch, y'a que ton cul qui m'excite. Des terres comme tous les cartels du Mexique. Fais pas la bonne ta corde anorexique. J'te touche pas avec un bâton, tu mérites des cakes. J'te touche pas avec un bâton, tu mérites des cakes. Flow chargé comme un calibre, recherche tous une pute caline. On connaît la mécanique, les torches prennent de la mescaline. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. Flow chargé comme un calibre, recherche tous une pute caline. On connaît la mécanique, les torches prennent de la mescaline. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. J'ai les crocs dans ta chair, je mettrai tout de mes canines. J'ai un deuxième couplet, beaucoup trop créatif. J'fume de la beuh et du shit, pas besoin de créatine. Et si j'torture cette pute de pouka pirati, j'ai feu obscur comme le côté à Anakin. Banks, Banks, à canard pour le chiffre dans le Banks. Banks a des kilos de shit, elle est belle. Bon, je lui présente mon chip, t'en fais des tonnes pour que j'te pète le coccyx. Ça devient problématique. Ces fils de pute de Schmitt veulent péter ma clique. Pas de guitare acoustique, que des beats lourds et sales flots de la technique. On veut des gros bolides, AMG à 8, remballe donc ton scénic. Ça boit des litres et des litres, sombre et l'ambiance, j'dirais machiavélique. Dans la cave que j'ai débité mes premiers flots, j'ai 29 biches, ma gueule 13 ans que j'suis dans le réseau. Dans ce milieu de bâtard, on fait cronger que des os, roule ton bédo, faut que ça nous frappe comme Kano. On s'occupe bicrave, on fait pas de water polo. Interpellation Schmitt, finir au comico. Pénard pas au bigot, demande à Maca. Chignot comme on vit ses resquines pour tous ces gros bolos. Oui, ces gros bolos devant l'OPJ, fils de pute, vomis pas tout. Vomis pas tout, il leur a des dents partout. Le rap game une partout, je ne suis pas son parcours. On sera écouté partout quand le rappeur a des couilles. La vie c'est pas facile, je vois la plupart qui coulent, qui croûtent sous les embrouilles, les dettes et les douilles. Flow chargé comme un calibre, recherche tous une pute caline. On connaît la mécanique, les torches prennent de la mescaline. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. Flow chargé comme un calibre, recherche sous une pute caline. On connaît la mécanique, les torches prennent de la mescaline. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. Flow chargé comme un calibre, recherche sous une pute caline. On connaît la mécanique, les torches prennent de la mescaline. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. Flow chargé comme un calibre, recherche tous une pute caline. On connaît la mécanique, les torches prennent de la mescaline. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. J'ai les crocs dans ta chair, j'mettrai toutes mes canines. This is SM Beats.